Hagen, tu connais. Yo, digital, en manière déconfinée. Ça nous Fujiyo. Babylon wine, Babylon wine, Babylon wine, wine, wine, Babylon wine, Babylon wine, Babylon wine, wine, wine, wine, Babylon wine, Babylon wine, Babylon wine, wine, wine, Babylon wine, Babylon wine, Babylon wine, wine, wine. Nous cagoumes pour virer des distractions. L'an n'est pas ni soirée, pas ni satisfaction. Nous confinés, nous obligés, t'es bien pour faire abstraction. Mais mis actuellement, ils jalaient pour nous passer à l'action. Mis en son chat, t'as mis en belle rédaction. Couper sa baisse, c'est bas et puis des contractions. Garçon, si vous les t'es bien d'ailleurs, ils commencent à faire traction. Si nous t'es échappé, nous qui commencent à faire soustraction. Ou en condition parfaite, si vous pouvez pas. Ça fait proposition, vaccination, café, débat. Mais moi, ça vous pas en laisse, ça m'envoie ça depuis le départ. Tout, tout obligé, mettez soirée en stand-by. Ça café délonné, nous obligé, rester en caille. Ça fait couvre-feu, t'as là, yo, prend nous pour des jambes. Ou le dit tout ça, bye bye. Ou le bubble and wine, bubble and wine, bubble and wine, wine, wine, bubble and wine, bubble and wine, bubble and wine, wine, wine, bubble and wine, bubble and wine, bubble and wine. Pour virer des distractions. L'an n'est pas ni soirée, pas ni satisfaction. Nous confinés, nous obligés, t'es bien pour faire abstraction. Mais mis actuellement, ils jalaient pour nous passer à l'action. Mis en son chat, t'as mis en belle rédaction. Couper sa baisse, c'est bas et puis des contractions. Garçon, si vous les t'es bien d'ailleurs, ils commencent à faire traction. Si nous t'es échappé, nous qui commencent à faire soustraction. Babylon wine, Babylon wine.